Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. On a presque rempli la salle à 150%. Donc je remercie aussi la bibliothèque de nous accueillir dans ce lieu assez remarquable. Donc on voit que l'architecture a du bon. Alors donc évidemment cette conférence va être le premier moment fort de ce mois de l'architecture en Normandie. Donc cette année un moment important puisque le mois de l'architecture en Normandie change de nom et va s'appeler Chantier commun. Alors chantier commun, pourquoi ? Parce que au niveau territoire pionnier, on a pris beaucoup d'engagement sur la transition énergétique, sur la démocratie participative, et on voulait que l'investissement puisse prendre un petit peu cet ADN, et c'est pour ça qu'on a décidé de changer de nom. Alors ce soir, donc cette conférence, on a invité donc trois personnes qui ont, on a pensé étaient à même et au mieux de pouvoir traduire notre pensée. Et donc vous verrez pendant tout ce mois de l'architecture, on va essayer de développer un petit peu ces différentes thématiques. Alors autour évidemment de l'urbanisme, de l'architecture et du paysage, et on aura des points forts comme une grande journée sur le réemploi, des visites d'éco-quartiers et plein de thématiques autour de la transition énergétique. Donc ce soir, nous avons deux grands invités et une belle animatrice. Donc Thierry Paco, philosophe urbain, qui a écrit de nombreux ouvrages sur cette thématique. Philippe Madec, donc architecte renommé et co-auteur du manifeste de la frugalité heureuse et créative, que je vous conseille tous de lire. Et Christine Caron, donc accessoirement adhérente de Territoire Pionnier et architecte conseil de la DRAC Normandie. Donc Christine, je te laisse la parole et je vous remercie encore d'être venus si nombreux. Bien, bonjour. Donc, effectivement, tu as déjà présenté Gilles, nos deux invités. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard en détail sur votre production à tous les deux. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être aussi nombreux pour une conférence qui a quand même un titre pas forcément très simple d'accès. Quels chantiers communs sont à mettre en œuvre collectivement pour répondre aux enjeux écologiques et sociétaux contemporains ? Qu'est-ce qu'on entend déjà par là ? Ça me semble déjà important de le rappeler. C'est de se dire qu'on est dans un contexte planétaire qui nous montre, qui confirme la responsabilité humaine dans le dérèglement général et global de la planète. Les scientifiques nous le rappellent. Les changements climatiques sont aussi dus à des changements liés à l'aménagement du territoire et à l'environnement. 40% des gaz à effet de serre. Et puis, nos choix urbanistiques. Alors, nos choix urbanistiques, c'est l'étalement urbain, c'est le choix des matériaux qu'on utilise par rapport aux ressources, c'est le choix de faire de la construction neuve plutôt que de la réhabilitation. C'est aussi le fait de consommer toujours plus de matière, de matériaux, dans un environnement où cette société de consommation, on se rend bien compte qu'elle arrive au bout d'un modèle par rapport à notre planète qui ne permet pas forcément d'accumuler toute cette volonté de consommation que peuvent avoir les êtres humains, ou au moins qu'ils ont cru pouvoir avoir. Alors on arrive au bout d'un modèle et il nous reste très peu de temps pour agir. Il nous reste à peu près 3 ans, nous disent certains, ce qui est peu. Et puis on a des dirigeants qui s'en vont, Nicolas Hulot qui démissionne, une espèce de prise de conscience, même parmi ceux qui semblent parfois les plus près de la population. Alors, si on se rapproche de notre contexte au quotidien, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que les insectes disparaissent, on voit que progressivement la pollution augmente, et puis on voit évidemment le dérèglement climatique. Vous avez tous passé une excellente semaine de printemps, voire d'été, donc vous le savez, c'est pas vraiment normal. Et on n'avait pas vu ça depuis les années 60, je crois. Donc, il y a un vrai questionnement autour de tout ça. Et ces chantiers communs, qu'est-ce que c'est ? Se dire comment on fait concrètement pour passer à autre chose aujourd'hui ? Parce que, en fait, comme le disait Einstein, tout le monde veut changer, mais tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que chantier commun, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne en main nos chantiers et qu'on choisisse collectivement qu'est-ce qu'on entend par commun et comment ces communs vont pouvoir nous aider à relever le défi qui nous attend. Alors évidemment, on a deux invités vraiment illustres qui ont cette pensée, chacun dans leur discipline, mais qui se croisent. Ils se connaissent bien, donc ils m'ont prévenu, ça ne sera pas un débat Ça sera une conversation. Donc, on peut les titiller fortement, on a le droit. On vous passera la parole. Donc, je vais présenter Philippe, hein, Philippe Madec, architecte, urbaniste, professeur et écrivain. Pionnier, on peut dire, un peu de l'éco-responsabilité en architecture, qui vient de finir, enfin, le, il n'est pas fini depuis, oui, au moins un an, l'éco-quartier de Val-de-Reuil, pour citer, citer une œuvre urbaine et architecturale normande. Et puis, tu travailles aussi à Verson en ce moment. Tu es membre de l'Académie d'architecture. Et tu viens d'écrire il y a quelque temps avec deux autres personnalités du monde de l'architecture et de la construction, le Manifeste de la frugalité heureuse, que je vous conseille tous de signer les yeux fermés, mais que Philippe va nous expliquer. Et Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain, qui enseigne beaucoup en école d'architecture, qui a écrit une soixantaine d'ouvrages, tous aussi forts en termes de relations entre, finalement, les organisations citoyennes, les enjeux environnementaux et aussi l'urbanisme à l'ère productivisme, un peu une forme de dénonciation de ce à quoi ça conduit. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est aussi ton rapport à l'enfant et aux personnes, on va dire, à l'inclusive dans la ville. Comment on fait pour rendre convivial et bienveillant la ville? Donc, d'un côté, on a vraiment le volet écologique de la construction, et de l'autre, le volet bienveillant et convivial. Le social et l'écologique, ils sont forcément ensemble pour faire des chantiers communs. Donc voilà. Alors, quand on se retrouve dans ce contexte-là, comment on fait? Comment on fait pour se reconnecter dans un monde où on a beaucoup, beaucoup construit en hors-sol? Donc, ça va être la première question que je vais vous poser. Comment est-ce qu'on refait le lien entre, finalement, ces territoires où on a construit les centres commerciaux déconnectés, les lotissements, etc., et, finalement, une volonté de vouloir retrouver un rapport avec les milieux, avec nos milieux, et comment on peut faire? Alors, Thierry m'a dit de passer d'abord la parole à Philippe, parce qu'il allait parler trop longtemps. Et Philippe m'a dit, non, ça serait bien que Thierry parle. Donc, je pense que je vais faire Thierry d'abord. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je vais réagir un petit peu à cette introduction qui me semble bien, bien optimiste. Quand Christine dit, voilà, on commence à prendre conscience de tout ce qui ne va pas, et on va essayer de corriger notre manière de faire et de penser, je ne suis pas convaincu du tout de ça. Ma perception à l'échelle planétaire, parce que on ne peut pas penser l'urbanisation sans être à l'échelle planétaire, dorénavant. Et à l'échelle planétaire, les catastrophes, que j'ai appelées dans mes livres les désastres urbains, sont répétées chaque année. J'arrive de Paris, vous voyez, c'est pas très loin, vous connaissez évidemment. Bon, on va mettre en chantier 6 gratte-ciels à Bercy, qui sont énergivores, qui sont une absurdité urbaine et urbanistique. Au nord de Paris, Europa City va peut-être sortir de terre. En 2019, c'est-à-dire que la dénonciation des centres commerciaux comme étant le responsable de l'assassinat des centres-villes, n'est pas du tout partagée par tout le monde. Et puis, il y a, faut le reconnaître, faut être honnête, il y a énormément de gens qui sont ravis, le samedi, de conduire leur caddie dans les rayons des centres commerciaux. Donc la question, elle est là, elle n'est pas simplement dans la dénonciation de ce qui ne va pas et de dire on va changer. Et d'autre part, je dirais que la catastrophe qui est annoncée, à juste titre, elle a commencé il y a déjà très longtemps. Très longtemps, elle porte le nom du fonctionnalisme, elle porte le nom de la rationalisation, elle porte le nom de l'architecture moderne. Et donc ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire que ce qu'il nous faut, avec quoi il nous faut rompre, est quelque chose qui est profondément ancré dans notre culture, dans la culture politique en particulier des élus et puis des hauts responsables administratifs, que pour eux, ils pensent bien faire. Ils pensent bien faire d'imperméabiliser les sols, ils pensent bien faire de faire des autoroutes, des TGV, tout ce qui est absurde. Ils pensent bien faire de miser sur le tourisme comme étant le levier économique, je prends leur vocabulaire qui n'est pas le mien, le levier économique, c'est le tourisme. Le tourisme aujourd'hui, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc décroître nos mobilités en avion. Et moi, je vous le dis maintenant, mais rassurez-vous, je ne vais pas prendre l'avion dans 3 minutes. Je ne le prends plus depuis des années. Non, il faut être. Alors, c'est une question très difficile. C'est comment, à l'échelle d'un individu, architecte, urbaniste, simple citoyen, comment essayer de vivre en accord avec ses idées, d'un côté. Et de l'autre côté, comment faire pour que ces idées, circulent et soient de plus en plus reconnues. C'est excessivement compliqué parce que la capacité de récupération de la classe politique et des élites est incroyable. Moi, je siège à la commission du Vieux Paris, mais ceux qui, mais vraiment, saccagent Paris, le font avec résilience, smart city, développement durable, tous ces mots toxiques, ils les utilisent en permanence. Et donc, du coup, la manière de dialoguer, de débattre avec eux devient impossible. C'est pour ça que je crois qu'il faut être excessivement clair sur les termes. Je pense que notre travail, pour les philosophes, j'entends, c'est d'être les gardiens du vocabulaire. C'est une formule d'André Breton que j'aime beaucoup. C'est un très, très grand poète. Et donc, chantier commun, chantier, c'est un magnifique terme. Bon, je ne vais pas faire l'étymologie maintenant. Il vient de Baudet, enfin bref, ensuite de Stock de Bois, etc. Bon, mais dans le langage parlé, le chantier, c'est quelque chose qui est ouvert. Contrairement à ce qu'on croit, puisque nous, on le ferme avec une palissade. Le chantier, c'est ouvert. C'est quand on est en train de projeter quelque chose. Quand on est en train d'essayer de rendre possible quelque chose, on est en chantier. La philosophie est un chantier permanent. Il n'y a pas de concept fini, il n'y a pas de pensée terminée qui est close sur elle-même. Donc, le chantier est une manière, finalement, de vivre. Et moi, ça me plaît d'être toujours en chantier. Commun, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a en tête l'idée des communaux. Non, mais peut-être qu'il faut peut-être que Philippe parle. Non, tu peux continuer sur ça. Juste très rapidement. Commun, ça vient de communitas en latin. Et ça signifie non pas ce qu'on partage, ce qu'on met en commun. Vous voyez, souvent on dit ça. Le commun, c'est ce qui nous engage les uns vis-à-vis des autres. Il y a une dimension morale énorme dans le sens de communitas. Et ça, on l'a perdu. On croit que c'est plutôt simplement le fait d'être en commun, d'être ensemble comme ça. Non, tout n'est pas commun. Le mot commun est devenu malheureusement banalisé, j'allais dire donc commun, c'est-à-dire que tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi. Les communaux, c'est-à-dire les terres communales qui appartenaient soit à une communauté, soit qui étaient un droit d'usage au Moyen-Âge, représentaient à la veille de la Révolution française à peine 12% des terres. Donc, ne rêvons pas non plus en disant qu'il nous faut réactiver les communaux. Les communaux étaient déjà totalement grignotés, privatisés, marchandisés et acquis par d'autres et clôturés. Donc, ne rêvons pas de ces communaux. Il faut inventer des nouveaux communaux. Et dans ces nouveaux communaux, ce ne sont pas les biens communs ni le patrimoine commun. C'est deux autres notions. Il ne faut pas tout mélanger. Les nouveaux communs qu'on doit peut-être essayer d'inventer et partager, c'est l'hospitalité, c'est l'amitié, c'est la frugalité, c'est l'ascèse. C'est ça qui est fondamental. Après, on peut dire, dans le patrimoine commun, il y a les fleuves, il y a les forêts, etc., etc. Donc, chantier commun, oui, mais c'est chantier ouvert, moi, qui me plaît d'abord. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, ce que tu cites comme étant les communs avant, la nature, l'eau, la topographie, nous, on appelle ça plutôt des ressources en architecture. Et quand on dit que là, on a besoin de retrouver des chantiers communs et que si nous, on parle de hors-sol, c'est un peu la question que je voulais poser. Est-ce qu'on peut retrouver du contexte maintenant? Est-ce qu'on peut, à travers le contexte, revenir à ça? Parce qu'on a perdu cet aspect du génie des lieux, de se pencher, alors pas toi, mais dans l'architecture, c'est très difficile. Dans l'urbanisme à l'heure actuelle, encore, il y en a qui se battent pour conserver le fil de l'eau, travailler avec la nature. Et est-ce que de tout cela peut émerger justement des communs, des lieux où il y a du commun ? Certainement, mais je vais surtout m'attacher à comment y arriver. Thierry a, à juste titre, expliquer à quel point notre héritage du modernisme est un héritage difficile, voire même peut-être pas mort du tout encore, mais tout à fait à l'œuvre. Il est indispensable que nous réussissions à faire notre deuil de la période moderne. Que je dirais machiniste, pour prendre juste un adjectif que tu n'as pas dit, mais qui était absolument compris dans ce que tu as évoqué, il nous faut faire le deuil d'une pensée machiniste de l'établissement humain. Alors, moderniste, machiniste, on n'a pas que des architectes et des urbanistes. Est-ce qu'on peut, tu vois, détailler un petit peu qu'est-ce que ça met derrière concrètement comme, comme urbanisme, en fait? Alors, le modernisme dont nous parlons entre nous, je ne vais pas faire l'historien, je vais juste faire l'architecte. Donc, le modernisme dont nous parlons entre nous, c'est l'architecture qui est produite au 19e et au 20e siècle, une architecture qui se renouvelle au 19e siècle avec l'acier et au 20e siècle avec le béton. Une architecture qui se renouvelle sur un territoire qui est totalement repensé à partir de cette certitude que la machine va être l'outil essentiel pour l'homme pour atteindre un avenir radieux. Et du coup, la machine fait en sorte que l'on repense le territoire, que l'on mette d'un côté l'habitation, de l'autre les fermes, quelque part ailleurs les usines et encore plus loin les commerces, puisque de toute façon, comme le disait un grand aménageur du territoire français qui s'appelait Paul Delouvrier, l'ambition c'était que la France, comme les autres pays, ait un taux de motorisation égal à celui de l'Amérique. C'est terminé. Aucun élu aujourd'hui, aucun aménageur n'oserait dire « je veux avoir un taux de motorisation qui dépasse, je ne sais pas, la Chine peut-être », mais c'est terminé. Et en fait, ce rapport à la machine, bien sûr, c'est la voiture qui déconstruit les territoires, qui fait du territoire l'inéquité totale, voire la ségrégation maximale. C'est bien sûr ça, mais c'est aussi le bâtiment. Puisqu'on est dans un bâtiment en verre, avec les mêmes façades sur quatre façades, sur les quatre côtés et avec une climatisation, vous avez ici exactement l'expression de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire une architecture qui est un héritage du XXe siècle et que moi j'appelle la bombe à retardement. Alors la bombe à retardement, c'est un bâtiment en béton avec les quatre façades pareilles. Les mêmes, celles de l'entrée là sont au sud-ouest, hein, quand même, vitrées comme il faut pour que les machines tournent à plein, et une climatisation. La climatisation, c'est l'expression de notre perte de relation au sol. Et il y a un homme magnifique qui s'appelle Glenn Murcutt, grand architecte australien, qui a à peu près 70-80 ans maintenant. Quand il a fini ses études, il est allé faire le tour des grands architectes américains de la côte ouest. Il les a tous vus et il a été ébloui par l'architecture américaine. Mais il y a une chose qu'il n'a pas supportée, c'était la climatisation. Et il est rentré en disant « No leaking architecture », jamais mon architecture ne coulera. Les condenseurs. Il n'a jamais mis de climatisation et il a produit la plus belle architecture située que l'on ait aujourd'hui au nord comme au sud de l'Australie. Et il ne fait pas la même architecture au nord et au sud de l'Australie. Donc l'enjeu, c'est de retrouver le contexte en faisant ce deuil. Et pour retrouver ce contexte, il est indispensable de retrouver la relation à la culture. J'ai tendance à penser, mais peut-être que ça peut être l'objet d'une discussion, que finalement, la culture, c'est comment une communauté habite son climat. À la fois une communauté, à la fois un climat et un lieu. Il nous faut retrouver ça à chaque fois. Il faut le retrouver, et retrouver la culture, c'est forcément retrouver la société qui habite cette culture, qui porte cette culture, parce que nous, architectes, urbanistes, on n'y arrivera pas seuls. Nos métiers, nos tâches sont des tâches dans la longue durée. Le moindre de mes traits pour faire une architecture, je mets 5 ans avant de le construire et il va peut-être durer une centaine d'années, peut-être moins, si ce n'est pas nécessaire qu'il dure aussi longtemps. Et le moindre de mes traits pour l'urbanisme, c'est parti pour un siècle ou deux. Donc nos métiers ne vont pas se transformer du jour au lendemain. Et pour nous en sortir, puisqu'il s'agit bien de l'établissement humain, hein, pas simplement de le faire, mais de le vivre, il faut absolument que la société civile soit embarquée dans l'affaire, embarquée dans l'histoire, comme les lycéens le font aujourd'hui avec à la fois force et intelligence. Et c'est pour ça que la notion de commun, d'en commun, quoi, est indispensable aujourd'hui pour travailler. On ne peut pas travailler autrement qu'avec ceux pour qui on a été appelé à travailler. Alors, ça me fait une bonne transition pour aller sur, finalement, le rapport aux autres et le rapport aux êtres humains et aux êtres vivants. Thierry Pacaud, j'ai vu une conférence où tu disais « L'être humain est situationnel, sensoriel, relationnel. Et aussi, un enfant doit découvrir ce avec quoi il va faire environnement. » Et j'ai l'impression qu'avec ces mots-là, tu définis presque la base de ce qui pourrait faire chantier commun, en fait. Parce que finalement, là-dedans, il y a déjà les trois notions qui sont très déconnectées de tout ce qu'on disait avant, la machine, etc., mais qui reviennent finalement à des notions proches de la convivialité. Alors, je disais dans cette conférence plusieurs choses. La première, effectivement, c'était de dire que l'être humain, parce qu'on veut toujours définir, alors quand c'est en chantier. Donc je pense que c'est toujours en cours. Mais bon, à un moment donné, je suis obligé d'être très aimable et ami avec les gens qui me questionnent. Et donc je dis, ah ben, vous voulez une définition de l'être humain? Alors ok, il est situationnel, il est relationnel et il est sensoriel. Bon, sensoriel, voilà, et Philippe fait une architecture sensorielle. C'est-à-dire que nous avons cinq sens qui fonctionnent en permanence et qui expriment tout simplement notre corporéité et notre rapport, j'allais dire, affectif et émotionnel au monde. Et donc, effectivement, quand on se promène dans certaines rues de camps reconstruits, on voit qu'on est très très loin de cette prise en considération de la sensorialité. Mais ça, je pourrais peut-être répondre, donner des exemples par la suite. Situationnel, ça veut tout simplement dire que l'être humain, il est localisé. Nous sommes tous de quelque part. Et donc, on est en situation dans un lieu, mais en situation aussi dans la société. On occupe une place. Et même quand on n'en occupe pas, on est catalogué, donc on est situé par les autres. On est SDF, par exemple. On est homeless, etc. Bon. Donc, on est des êtres situés, on est des êtres sensoriels. Et puis, le troisième terme, évidemment, relationnel, il veut tout simplement dire que nous sommes des êtres de parole. C'est peut-être une des forces. On a longtemps cru que c'était la qualité première de l'humain à l'intérieur du vivant, d'être justement relationnel. Maintenant, on sait que les plantes, et certaines plantes, certains arbres, certains animaux communiquent entre eux. Donc ce n'est pas spécifiquement le propre de l'humain. Mais néanmoins, la parole est le point de départ de l'être humain. Et donc c'est par la parole qu'on construit une société, qu'on construit une culture et qu'on exprime notre relation au monde et aux autres. C'est pour ça que, ayant beaucoup travaillé sur cette notion magnifique mais très difficile de habiter, j'en suis arrivé aujourd'hui à dire que nous habitons d'abord notre langue. C'est pour ça que je reviens toujours sur le sens des mots, c'est excessivement important, bien sûr. Nous habitons notre langue. Et c'est pour ça qu'à Calais, par exemple, là où il y avait des gens de différentes nationalités, il aurait fallu en faire une sorte d'exaltation de la babilité. Non, non, on a dit « on vous intégrera que si vous parlez français ». Il faut suivre des cours de français. On n'a pas dit, nous, Français, on va trouver un fonctionnaire qui parlera une des 80 langues présentes sur place. Un tel le ourdou, l'autre le pachtoun, l'autre le duri, etc. Bon. Non, non, non, on a dit parler français d'abord, ou alors un médiocre anglais qui permettait de ne pas se comprendre. Donc, l'être humain, il est ces trois-là. Mais pour le territoire de notre existence, qui n'est pas la ville simplement, qui peut être un village, un bourg, plus ou moins dortoir, un lotissement pavillonnaire, etc. Moi, je pense que les qualités de ce qui fait l'esprit de la ville sont les suivantes. C'est l'urbanité, la diversité et l'altérité. Si une de ces qualités vient à manquer, eh bien, tout ce qui fait ce en commun s'effondre. Je donne deux exemples, si vous voulez. Le premier, c'est urbanité. C'est un terme qui n'existe pas en grec, qu'on trouve chez Cicéron, urbanitas, qui est introduit en français par Guez de Balzac au XVIIe siècle. Et ce terme désigne tout simplement la maîtrise de la langue. Quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le latin au point de servir d'interprète à tous ceux qui ne connaissent pas cette langue ou qui la parlent mal ou qui ne connaissent pas les codes, les règles de cette langue et donc de cette manière d'être ensemble dans la même ville qu'est Rome. Donc l'urbanité repose sur cette qualité première qui est l'accueillance. Je réactive un vieux terme du Moyen-Âge, l'accueillance, que je trouve très beau. Et cette accueillance a comme écho, si vous voulez, dans la langue française de cette époque, la privance. La privance, ça m'a donné le mot privé en français. Mais privance, en vieux français, ça signifie la douceur. Et on sait tous, quand on a fait de la philosophie, la place que la douceur occupe dans les relations entre les Grecs. C'est une notion fondamentale. Je vous renvoie au très grand livre de Jacqueline de Romilly hein, sur la douceur chez les Grecs. Bon, parce que la douceur, c'est la paix. Voilà, pour le dire autrement. Et pour qu'il y ait de la paix, ben, il faut qu'il y ait un échange de paroles. Il faut qu'il y ait de la communication. Mais on sait aussi que l'incommunication, c'est-à-dire l'incompréhension de l'autre, le malentendu, le quiproquo, etc., sont constitutifs de la communication. Donc ça, ce n'est pas gênant. Je ne veux pas idéaliser une société en disant qu'elle n'aurait pas de conflit. Au contraire, il faut activer le conflit. Lorsque je me suis présenté pour être président de l'université où j'enseigne, j'avais mis dans mon programme que je créerais des commissions méchantes. Bon, j'ai pas été élu. Bon, mais n'empêche que c'était une idée que je persiste à considérer comme étant essentielle. J'étais pour la suppression des disciplines, la suppression des notes. Bon, bref, des choses. Des gens n'étaient pas encore prêts, je pense, à tout ça. Mais on va y arriver parce que l'écologie, c'est précisément ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est processuel, transversal et interrelationnel. Donc, c'est quelque chose qui va rompre avec l'organisation thématique et verticale. Donc c'est tout ça qui est important. Alors je voudrais dire un mot sur le mot territoire quand même, parce que Philippe a raison, les racines de nos malheurs actuels datent du 19e siècle. Donc ça continue comme ça. À un moment donné, il y a eu un bouquin qui a eu un énorme succès, c'était le court 20e siècle. Et je pense qu'il faut plutôt parler du long 20e siècle, qui commence dès le milieu du 19e. Et là, on a une espèce de continuité. Du reste, dans nos disciplines, que ce soit l'architecture ou l'urbanisme, c'est à ce moment-là où on voit le tournant. C'est là où on invente le mot, en espagnol d'abord en 1867, urbanisme. Je n'oserais pas le prononcer en espagnol parce que je ne connais pas cette langue. Donc ça s'écrit urbanisation, je le prononce à la française. Bon, c'est Cerdà qui invente ce terme. Bon, c'est repris en allemand, Stadtbau, en 1889, par Joseph Steuben et puis aussi par Camillo Sitte. Ça apparaît ensuite en Angleterre, planning, urban planning. Bon, ça, c'est déjà plus facile à prononcer. Et puis le mot urbanisme apparaît en 1910 dans d'autres langues, bon, en français. Donc je peux à ce moment-là définir l'urbanisme comme étant le moment masculin et occidental de la fabrication de la ville. Alors, à cette époque-là, le territoire était en train d'être transformé fondamentalement par une notion essentielle qui est le productivisme. Et le productivisme naît dans les campagnes. On mécanise l'agriculture, on invente une nouvelle agriculture intensive, on commence à supprimer des haies, à faire des remembrements de terre, tout ça pour pouvoir utiliser la fameuse machine dont tu parles. Et ensuite, évidemment, on va mécaniser le travail industriel, manufacturier d'abord, et ensuite, on va introduire la machine dans tous les services. Dans tous les services. Nous sommes aujourd'hui dans cette phase où tous les services seront effectués par des machines. Où on est en train de nous expliquer qu'un robot opère mieux qu'un être humain. Donc, on est dans cette phase en ce moment. Il ne faut pas le sous-estimer, où le machine, alors on l'appelle le numérique, voyez, on ne dit plus machine, on ne dit plus technique, on dit technologie, bon, tout ça, ça fait plus chic, etc. Mais c'est ça qui va... Il n'y aura plus de chauffeur dans un taxi. Ce sera une voiture, on dit autonome. C'est assez... Et intelligente. On le dit qu'elle est intelligente. Bon, donc il faut la saluer quand on voit une voiture. On lui dit, comment vas-tu? Bon, alors... Ça, c'est excessivement grave, parce que ça veut dire que tout d'un coup, on perd la part humaine de ce que je disais tout à l'heure, qui était la relation, la situation et la sensorialité. Alors, le territoire, au XIXe siècle, il est mis en valeur par le capitalisme, qui en a besoin pour fidéliser une main-d'œuvre sur place, la maintenir sur place, les ouvriers qui vont travailler dans les usines et dans les mines. Et donc, le territoire, il est mis en avant. Et le patron de Schneider, le patron de Peugeot, le patron de Michelin, il s'installe au Creusot, il s'installe à Sochaux, il s'installe à Clermont-Ferrand, et puis il devient maire, et puis il crée le Rotary Club, et puis le jeune ingénieur qui arrive de Paris, eh bien, il drague la fille du patron, il va s'installer sur place, il découvre le territoire tous les week-ends, ils vont chasser avec leurs ouvriers, bon, je caricature à peine. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Le capitalisme financiarisé global, après avoir précarisé l'emploi, précarise le territoire. Tout territoire est identique pour lui. Donc il y a une sorte d'indifférence au territoire. Les territoires que nous aimons, chacun d'entre nous, et les territoires sont inégaux à ce niveau-là. Il y a des fascinations, tu le disais, de noms de lieux, de génie du lieu, de lieux que certains apprécient plus que d'autres, etc. Bon. N'empêche que ça, c'est en voie de disparition. Parce que aujourd'hui, l'ingénieur qui arrive en poste à Clermont-Ferrand, il a non pas en tête de visiter le Massif central, pas du tout. Le week-end, il va à Prague, il va à Amsterdam, il va à Londres. Et puis, dans sa tête, il est déjà dans son futur poste, à Dubaï, dans 2 ans. Et dans 4 ans, si tout va bien, à Shanghai. Donc, il y a là, tout d'un coup, une transformation incroyable, qu'avait très très bien pressenti un de mes amis, qui malheureusement est mort il y a quelque temps, qui s'appelle Paul Virilio, qui expliquait très bien que tout d'un coup, le nomade était nulle part chez lui, et le sédentaire, pardon, l'inverse. Le sédentaire était nulle part chez lui et le nomade était partout chez lui. Et ce nomade, c'est l'élite globalisée, qui sont dans une indifférenciation au territoire. Ils n'en ont rien à cirer. Pour eux, la ville et le territoire idéal, c'est un plateau technique sur lequel je viens brancher un aérogare, je viens brancher une gare de TGV, un CHU, une usine, un supermarché. Ça marche plus, je débranche. Non, c'est pas ça. Si on est situationnel, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. On est là parce que... C'est pour ça que moi, j'ajoute une dimension, puis je me tais. Enfin, pour l'instant, j'ajoute une dimension qui est celle des temporalités. Ça, c'est j'ai saisi ça chez Bachelard, que je connais presque par cœur, mais je ne l'avais pas vu dans mes premières lectures, parce que j'étais omnubilé par la topoanalyse qu'il invente dans La poétique de l'espace en 1957, et je n'avais pas associé ça à une idée qu'il développe en 1936 dans La dialectique de la durée, qui est celle de la rythme-analyse. Et je pense qu'il nous faut maintenant, pour moi, philosophe, c'est mon boulot, c'est mon exercice, c'est de fiancer, je prends le terme de Bachelard, de fiancer topo-analyse et rythme-analyse. En d'autres termes, nous devons tous ici sans cesse entrelacer temporalité et territorialité de notre existence. Alors tout ça, c'est extrêmement riche, cette poétique de l'espace. Moi, je retiens ce que tu disais tout à l'heure sur activer le conflit, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut trouver des endroits où on peut rentrer en conflit. Donc si on revient sur l'idée du lieu qui peut créer du lien et donc nous aider à trouver ce qui va ensuite nous permettre de faire commun, il y a cette question d'activer ces lieux-là. Et du coup, j'ai envie de me tourner vers toi, Philippe, sur la question de ce qu'on appelle la smart city, la ville intelligente. Pas pour que tu nous parles de cette ville ultra connectée, comme tu disais, etc., mais plutôt parce qu'il y a une réflexion qui est forcément, est-ce que c'est la ville qui est intelligente, pourquoi c'est pas les habitants? Est-ce qu'on ne peut pas revenir au fait de dire l'habitant, lui, est intelligent? Donc, il faut l'aider à continuer à être intelligent. Et je pense que dans le manifeste, par exemple, il y a cette question de retour à certaines formes de compréhension de là où on vit et de là où on se situe. Et ça nous permet après d'avoir peut-être d'enclencher une dynamique collective. Oui, ce que tu as dit à propos de l'intelligence, l'homme est intelligent, la ville ne l'est pas, et c'est pas parce qu'elle est connectée qu'elle le devient. Et même s'il y a de l'intelligence artificielle que l'on veut nous vendre tous les jours, c'est pas comme ça que ça marche. Et je voudrais revenir sur la question du territoire et peut-être revenir aussi sur la question du conflit. On s'est arrêté au 19e siècle, mais il s'est passé quelque chose au 18e qui est une des clés importantes pour comprendre la France, pour le coup. C'est quand le savoir entre les ingénieurs, quand le savoir des ingénieurs et celui des architectes n'était plus un seul savoir, mais qu'ils ont été séparés. Et puisque, enfin, jusqu'au 18e, c'était l'architecte qui était l'ingénieur, qui faisait les bateaux, qui faisait les routes, qui faisait les ponts, qui faisait les bâtiments. L'arrivée de l'école des ponts et chaussées, donc on va dire ça va de 1747 à 1797, on va dire l'émergence de l'école des ponts, aide à faire une séparation très forte entre la gestion du territoire et l'aménagement. Grosso modo, ce sont les ingénieurs des ponts qui vont récupérer l'aménagement du territoire pour une raison technique réelle qui est la prouesse technique. La capacité de Perronet de dessiner une arche qui franchit la Seine d'un coup permet finalement de faire du lien un peu partout sur le territoire. C'est l'époque aussi où les physiocrates, qui étaient nos premiers capitalistes, enfin, je dis ça peut-être trop vite, mais disaient laissez faire, laissez passer. Donc tout ce qui laissait faire et laissait passer les êtres et les marchandises était idéal. Dans cette répartition du territoire qui va mener au ministère de l'équipement, qui va mener à notre aménagement du territoire si centralisé avec on va dire 22 métropoles et de grands axes entre eux et un territoire dont on s'occupe pas vraiment beaucoup. Enfin, on a quelques exemples aujourd'hui de cet oubli du territoire français. Ça émane du 18e siècle. C'est vraiment une grande tradition française qu'est-ce qui a été laissé à l'architecture? L'embellissement. Et le bien-être. Mais l'embellissement et le bien-être, ça n'a pas fabriqué l'établissement humain. Autrement, on le saurait. Et donc, il y a une part de responsabilité des architectes là qui est en jeu, de ne pas avoir répondu finalement, ou de ne pas avoir porté ça, et puis surtout de ne pas avoir fait une proposition d'aménagement du territoire qui restitue la qualité de vie à l'aménagement du territoire. Au point qu'aujourd'hui, on essaie encore de nous faire croire que l'aménagement du territoire français va s'appuyer sur 22 métropoles, avec des TGV, voire maintenant des Hyperloop, et que le reste n'existe pas. Moi, j'ai toujours en tête une carte de la France. La France est grise et les métropoles sont en couleur. Sauf que les métropoles utilisent à peine 90% du territoire français, et que tout le reste n'est pas gris, tout le reste est au contraire très habité. Et en fait, ce mensonge-là, qui est comme, à mon avis extrêmement lié à un autre aspect de l'héritage des modernes dont il faut absolument qu'on se défasse, c'est-à-dire que l'avenir de l'homme est urbain, hypothèse des modernes, empêche de voir la réalité du territoire. En France, on dit que 77,6% du territoire est urbain, et que 77,6% de la population française est urbaine. Et en fait, ça vient d'un mensonge qui est emporté par cette idéologie du tout urbain, et ce mensonge, c'est la définition de l'urbain par l'INSEE. L'INSEE dit qu'il y a urbain quand il y a 2000 habitants agglomérés sans coupure de 200 mètres. Regardez le territoire français, des territoires, des communes de 2000 habitants, des bourgs, des petites villes, ça ne fait pas de l'urbain. Ça fait un rural extrêmement habité et extrêmement occupé. Donc cette réalité du retour au territoire, de la retrouvaille finalement avec le territoire, passe forcément aussi par ce changement de mentalité, par ce possibilité de regarder autrement notre territoire et donc vraiment de se défaire de ça. Vous venez d'avoir la difficulté qu'ont aujourd'hui les ministères de la transition écologique et de l'équité des territoires et de la cohésion des territoires. Ouais, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Pour quitter toute l'histoire de l'équipement. Quoi. Donc, ce n'est pas réglé. Et il faut que ce soit réglé et que ce soit réglé maintenant. Parce que la réalité des vrais combats, elle est très disséminée. Je pense que j'ai extrêmement confiance aujourd'hui dans des communautés, mais plutôt des petites communautés, disséminées un peu partout, qui s'engagent finalement dans une manière de vivre alternative. C'est pas juste les retrouvailles avec les beatniks et tout ça, mais non, ce sont des communes entières qui s'engagent. Bon, il y en a trois qui me semblent aujourd'hui assez connues en France pour qu'on puisse les nommer. C'est Ungersheim en Alsace, Losangwell dans le Nord et Langouette en Bretagne, mais il y en a certainement d'autres. Et en fait, il y a dans cette possibilité de regarder le territoire très différemment d'en haut, un territoire centralisé, de regarder le territoire à partir du territoire lui-même, une pixelisation du territoire qui, à mon avis, est une chance pour retrouver une épaisseur à vivre, une épaisseur vécue d'ailleurs, pas uniquement à vivre, déjà vécue, et pour travailler avec les gens à une autre histoire à vivre. C'est très intéressant ce que tu dis sur Langouette parce que, et sur ces trois villages, parce que c'est vrai que Langouette, par exemple, c'est un village tout petit, mais le maire a réussi à monter un système d'autopartage. Alors que parfois, dans une grande ville, on nous dit bah, l'autopartage, non, ça ne va pas fonctionner. Tandis que là, on est dans une petite commune où, dès qu'il y a quelque chose qui émerge et qui a envie d'émerger de la volonté collective, ça fonctionne. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que finalement, on a quand même des gros enjeux dans nos villes moyennes, parce qu'avec la fuite en avant qu'on a fait, d'aller saccager le territoire par l'étalement urbain, et puis on a rajouté des entrées de ville, eh bien on a vidé en fait de les espaces où il y avait la convivialité, peut-être, de tout ce qui pouvait attirer les gens. Est-ce qu'on peut retrouver cette convivialité dans ces espaces? Est-ce qu'il y a encore la possibilité dans les villes, je vais dire moyennes, hein, de retrouver une certaine forme d'accès à ces espaces collectifs pour redonner de la convivialité? Comment on va faire? Alors, il faut vous dire que Christine sait que j'ai beaucoup travaillé avec Ivan Illich, donc du coup, quand on dit convivialité, généralement c'est mon tour. Bon, mais je ne vais pas tout de suite répondre sur convivialité. Je voudrais revenir un peu en arrière, parce que c'est là on est en train de bien cerner, je crois, les difficultés. Et si on se met à l'échelle planétaire, encore une fois, j'insiste sur demander là-dessus, il y a eu Habitat 3 à Quito en 2016. C'est donc l'officine des Nations Unies qui réfléchit sur le devenir urbain du monde. Et le modèle qui est mis en avant par ces super décideurs transnationaux, c'est le modèle chinois. C'est-à-dire, ce sont des mégalopoles. Vous savez peut-être que jusque de la naissance des premières villes, il y a 3500 ans avant notre ère, c'est-à-dire depuis 5000 ans en gros, un peu moins peut-être, il y a eu 4 villes millionnaires jusqu'en 1800. Il y a eu Rome, Bagdad, Constantinople et Xi'an en Chine. Bon. Et puis avec la machine, avec le machinisme, avec le chemin de fer, etc., avec la possibilité de délocaliser les matières premières, de délocaliser la main-d'œuvre, de délocaliser les sources d'énergie, eh bien, on a construit, édifié des villes multimillionnaires. La première était Londres, 1 million d'habitants en 1800, 7 millions en 1900. Et en 1900, on dénombrait 11 villes millionnaires au monde. On en dénombrait 166 en 1960. On en dénombrait, je ne veux pas tout vous dire, mais 535 en 2015. Et on va en dénombrer 750 en 2030, dont 150 rien qu'en Chine, qui auront chacune une moyenne de 6,5 millions habitants. Donc c'est pour vous dire que le modèle dominant à l'échelle planétaire, au niveau des décideurs, de ceux qui se rencontrent tout le temps, qui décident bien souvent de notre territorialité à nous, c'est « big is beautiful ». Il faut que ce soit très très clair. Et donc nous, du coup, en France, à notre échelle, sachant ça, le gouvernement français de l'époque de Hollande a tout fait pour aller dans cette ligne-là. Donc réduction à 13 régions. Au moment où moi j'imaginais qu'on allait au contraire peut-être créer 120 biorégions urbaines en France. Non, non, 13 régions. Il faut peut-être expliquer biorégion, qu'est-ce que tu entends par ça ? Tout à l'heure. D'accord, mais il faudra le faire. Oui. Donc, voilà. Et derrière ça, derrière le plan des 13 régions, il y avait le plan, évidemment, tu l'as dit, Philippe, de la métropolisation de la France. C'est-à-dire qu'on passait de 36 000 communes à 7 000 communes. C'était le plan. Le plan qui n'a pas pu se développer. Et je pense qu'il y a encore des hauts fonctionnaires et des anciens ministres du gouvernement de... Je ne me souviens plus qui était Premier ministre, Valls ou je ne sais plus qui doit être triste parce qu'ils n'ont pas pu mener à bien leur mission. Bon. Et cette mission-là, elle est planétaire. C'est pour ça qu'il faut l'avoir en tête. C'est que la réforme des régions et la réduction du nombre de communes, ça s'est fait en Italie au même moment et ça s'est fait aussi au Japon au même moment. Donc c'est des tendances très lourdes. Et le peuple, enfin les gens... dire ça comme ça, hein, les gens que Philippe et moi, on espère voir participer à toutes les discussions et à toutes les décisions, eh bien, ignoraient ce plan d'attaque, hein, qui est terrible, d'une certaine manière. Bon. Donc, si l'on va dans une réappropriation territoriale, ça veut dire qu'à l'échelle planétaire, on aura le même phénomène, qu'on commence à percevoir aux États-Unis, où il y a un mouvement qui s'appelle le biorégionalisme. Donc je vais en dire deux mots maintenant. Merci. Le biorégionalisme, c'est une notion qui nous vient d'un penseur écossais qui s'appelle Patrick Geddes, un homme absolument admirable, dont seulement deux ouvrages sont traduits en français, qui est quelqu'un qui a inventé les études urbaines, mais qui était aussi un spécialiste de la botanique. Oui, parce que là, je voudrais revenir au mot, c'est pour moi excessivement important, comme vous l'avez tous compris. Le mot « habitat », le mot « territoire », le mot « individu », le mot « population », rien que cela, ce sont des termes de la botanique. Ils rentrent dans notre langue par la botanique. Et un siècle après, ils sont récupérés par les sciences humaines et sociales, qui ignorent progressivement leur origine. Et donc, tout d'un coup, nous, on nous parle d'habitat, de territoire, comme si ça allait. Mais non, le territoire, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, en botanique, la niche environnementale. C'est-à-dire, l'habitat, c'est le lieu de production et de reproduction d'une espèce végétale et animale. Et le territoire d'un oiseau, le territoire de la nidification, est un territoire mobile. Le territoire d'un banc de poissons est un territoire mobile. Or, nous pensons, avec notre administration centralisée, que le territoire est dessiné par l'administration centrale. Or, le territoire, il est à révéler. Et le territoire, il est donc quelque chose qui résulte. Ça résulte de quoi ? Ça résulte de nous. Ça résulte de notre relation amoureuse avec un lieu. Et pour ça, moi, je n'aime pas les territoires qui sont découpés comme ça par je ne sais pas quel... Oh, j'allais être vulgaire, bon, je me retiens. Par je ne sais pas quel haut fonctionnaire. À la Paul de l'ouvrier. Dans un colloque comme ça, j'ai dit, il nous faudrait une biographie à l'américaine, vous savez, parce qu'il rentre dans les détails, il montre les relations, les zones d'ombre, etc., de Paul de l'ouvrier, ce type qui est responsable d'une série de catastrophes, comme les villes nouvelles de la banlieue parisienne, etc. Je commence à le critiquer, il y a un monsieur qui lève la main et dit, c'était mon père, il était très gentil, bon, alors, du coup... Du coup, j'étais emmerdé parce que je pouvais plus charger. Donc maintenant, je fais toujours attention, je donne plus de nom, hein, parce que sinon après, je me fais attaquer. Il a peut-être des enfants un peu partout, mais bon. Non, mais voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la décision peut pas résulter d'un seul individu, aussi génial qu'il soit, puisqu'on a prétendu, la presse a présenté Paul de l'ouvrier comme étant le Haussmann de De Gaulle. Vous voyez, bon. Donc ça veut dire, voyez, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais maintenant, on sait très bien par les historiens. Haussmann, il avait toute une armée de gens excessivement talentueux et qui faisaient des études très très précises, remarquables, beaucoup d'architectes du reste, qui ont permis et qui ont contribué à faire de Paris effectivement un certain nombre de fonctions, j'allais dire, remarquablement enrichies. Mais en même temps, faut pas non plus oublier la zone d'ombre. C'est que toutes les avenues de Paris faites par Haussmann, tracées par Haussmann, sont ponctuées de casernes. Pour contrôler les mouvements de population contestataire. Bon. Donc c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'il y a l'échelle internationale et il y a l'échelle ensuite locale. L'échelle locale ne suffit plus, d'où le biorégionalisme. Alors Patrick Guedes, lui, a inventé le mot en 1915 de conurbation, justement pour expliquer qu'une ville était plus qu'une ville. Il y avait la ville, mais il y avait aussi ses à côté, et il a inventé la Outlook. Tower, c'est une tour d'observation qui permettait de voir sa ville d'en haut, mais sa ville et ses confins qui constituaient une région. Donc il est le premier à considérer que la territorialité de chaque citadin d'une ville est beaucoup plus ample que la territorialité administrative de cette ville. Donc il fonde les regional surveys, enfin les études régionales, c'est quelque chose d'excessivement important, ça s'apprend, il publie énormément de choses passionnantes, ça ne pénètre pas la France. Ça pénètre pas la France, Patrick Guedes, pourtant il vient en France, il parle français couramment, il a créé le Collège des Écossais à Montpellier, qu'on est en train de réactiver, etc. Bon, bref, je ne rentre pas dans tous ces détails, je serai intarissable sur ce personnage. Mais il a un disciple indiscipliné aux États-Unis qui s'appelle Lewis Mumford. Et Lewis Mumford va introduire cette idée de région aux États-Unis, qui est un État fédéral, comme vous le savez. Donc il a eu beaucoup de mal à se faire comprendre avec Clarence Stein et d'autres architectes. Il invente une nouvelle cartographie régionalisée des États-Unis. Et ça, on le connaît peu et mal. Cette association est créée en 1923. Elle s'estompe avec la crise et surtout avec les grands chantiers de la crise économique, hein, ce qu'on appelle la TVA, c'est-à-dire la Tennessee Authority Valley. Bon, je ne rentre pas dans le détail de tout ça. Et là, il influence un autre courant de pensée qui vient de la botanique, comme quoi toujours cette territorialité-là, hein, qui va créer le mot bio-région urbaine, à San Francisco dans les années 70, dont le théoricien principal s'appelle Peter Berg et l'autre s'appelle Kirkpatrick Sall. Lisez-le, enfin c'est des livres tout à fait passionnants. Et sans relation aucune avec l'Italie, où se crée depuis quelques années un mouvement de biorégionalisme sous la houlette d'un architecte géographe qui s'appelle Alberto Magnaghi. Donc, vous voyez, là, on a là toute une série de configurations théoriques qui font qu'à un moment donné, on pense que le territoire va se venger du mépris auquel on l'a finalement mis de côté. Et vous avez un site internet qui s'appelle Citego. Tapez, vous verrez, enfin, tapez pas méchamment sur votre ordinateur, mais. Ouvrez ce site, hein, c'est mis en place par la Fondation Charles-Léopold Meyer. Eh bien, ce site met en avant la cartographie de 1500, tu parlais de 3, de 1500 réalisations territoriales exemplaires qui sont aucunement en relation les unes avec les autres. C'est ça aussi une des difficultés. C'est que moi, je voyage beaucoup en France pour, dans des universités populaires pour parler d'un de mes sujets qui est l'utopie, donc de Thomas More, etc. Bon, mais je vois après, quand on discute avec les personnes qui étaient venues assister à cette conférence, ben, je découvre ici une AMAP, ici une école participative et pédagogique, ici un habitat autogéré, etc. Et puis je leur dis, mais vous savez, j'étais la semaine dernière à 30 km, ils font la même chose. Ah bon ? Donc là, vous voyez, il y a un travail, mais qui est très compliqué. Est-ce qu'il faut fédérer les actions locales ? Parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, quand on fédère, on institutionnalise. Et quand on institutionnalise, on bureaucratise. Et j'en arrive à Ivan Illich. Ivan Illich, juste un mot. Non, mais tu après... Non, je vais passer la parole à Philippe, parce que je pense que c'est intéressant qu'il rebondisse sur ce que tu viens de dire, sur le biorégionalisme, sur les territoires aussi, et sur ces actions ponctuelles un petit peu partout. Est-ce qu'on a des exemples pour toi d'endroits qui, finalement, résument ces thèses, en fait ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Parce que... On va dire, mais tu nous as un peu cassé la baraque au départ en me disant, ben non, ça marchera pas, hein, donc c'est foutu. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où ça marche ? Je vais essayer d'apaiser un peu Thierry. Oui, parce que... J'étais expert de l'ONU pour Habitat 3, et donc j'ai eu quelques combats. J'ai eu quelques combats, notamment un qui a abouti, qui est le fait qu'on ne parle plus seulement des villes, mais des établissements humains. En fait, Habitat 3 est le seul sommet de l'ONU qui se tient tous les 20 ans, alors que ça parle de l'habitat et de la ville. C'est quand même assez couillon. Enfin, excusez-moi. Ça a commencé à Istanbul, Vancouver, et de 2006, Quito. Le sommet de Vancouver a été appelé The City Summit, c'est-à-dire le sommet des villes, parce qu'on ne parlait que des villes. Et en fait, ce qui s'est passé à Quito est très intéressant. Parce qu'il y a un continent que tu ne cites pas et qui est le vrai grand enjeu de demain, c'est l'Afrique. Non, mais juste, tu ne l'as pas cité là, mais je suis sûr que tu le cites par ailleurs. Mais c'est pas la Chine qui devient le modèle là, parce que, en fait, quand on était en réunion et qu'on entendait parler tous les continents, il y a deux continents qui parlaient et d'une façon assez singulière et qui ont ramené vers la relation apaisé entre l'urbain et le rural, alors que tous les autres continents s'en foutent, comme de l'an 40, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et en fait, grâce à ces deux continents-là, et qui sont les continents de demain, hein, puisque on sait bien que la population qui va venir dans le siècle à venir, c'est justement par la Chine, par l'Afrique notamment, et aussi par l'Amérique du Sud, ces continents-là sont écoutés aujourd'hui. Et donc la notion d'établissement humain arrive parce que elle est plurielle. Un siège, c'est un établissement humain. Un banc, encore plus d'ailleurs. Un village, un hameau, un bourg, une petite ville, une métropole, tout ça sont des établissements humains. Et du coup, on ne les oppose plus puisque finalement, on les met dans le même concept. Et on a réussi ça. Et on a réussi aussi, me semble-t-il, et après on verra comment ça passera, mais de faire en sorte que ce qui est à produire, ce qui est à faire, est avec tous et pour tous. Tu me diras, c'est un slogan, et puis une fois qu'on l'a écrit, peut-être qu'on peut l'oublier, je suis d'accord, mais en tout cas c'est écrit, et c'est un des objectifs forts d'Habitat 3, dont la France a été un des secrétaires avec l'Équateur. On n'a jamais parlé en France, aucun grand organe n'a parlé d'Habitat 3, alors que c'est nous qui l'avons porté, mais vraiment porté jusqu'au bout. Je suis absolument d'accord avec toi sur la question de la biorégion, qui est à mon avis la seule manière d'y arriver, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on continue à faire la critique que j'ai menée sur la définition de la statistique urbaine par l'INSEE, on réalise que ce n'est pas 77,6% de la population qui est urbaine, mais que c'est entre 52 et 61% de la population qui est rurale et qui occupe 95% du territoire. Cette pixelisation, que l'on peut appeler pollinisation des territoires, c'est une chance. C'est ce que tu évoques avec la dispersion. J'aime beaucoup cette notion de territoire pollinisé, où finalement, nos actions ne détruisent pas, nos actions permettent de faire vivre les territoires. Cette pollinisation-là, eh bien, on ne peut pas se la représenter avec les outils traditionnels de la géométrie. La vieille histoire qu'on apprend aux architectes de l'échelle, la boîte dans la boîte, c'est la petite boîte dans la plus grande boîte, etc., etc. Donc le bâtiment dans le quartier dans la ville, tout ça c'est faux, quoi. Enfin, en tout cas, tout ça, ça sert à faire des objets, mais ça sert pas à faire l'établissement humain, parce que toutes les valeurs qui aujourd'hui portent l'établissement humain et doivent être considérées par nous, qui sont toutes liées au vivant, tu parlais de la biodiversité, tout ça, mais qui sont toutes liées au vivant, ne tiennent plus dans les boîtes. Elles peuvent pas. Elle passe, quoi. L'eau, l'air, l'énergie, le déplacement, la pollution, tout ça ne tient plus du tout dans les boîtes. Et donc, on ne peut plus s'attacher à un objet pour comprendre une situation que l'on vit. Il faut regarder ça du côté du vivant. Et donc, d'un vivant pollinisé, et donc d'un territoire habité, et d'un territoire habité, en général, avec intensité, quoi. Et ça, on le voit partout. Enfin, ce que tu évoques est tout à fait juste. Ta remarque, c'est une critique qui est faite à la ville. C'est-à-dire que la possibilité de polliniser les territoires devrait se retrouver en ville. Bien sûr, il y a des quartiers dans les villes, mais dans ces quartiers-là, quelle est la part de liberté que l'on a aujourd'hui pour accéder à un mode de vie alternatif ? Pas beaucoup, pas grand-chose. La possibilité de maîtriser son cadre de vie et son territoire est devenue très compliquée en ville. Et en plus, on va dire que les villes échouent un peu à régler la question de l'effet d'îlot de chaleur, de la possibilité de vivre heureux demain. Donc il y a un vrai travail pour regarder le territoire, non pas dans son égalité, mais dans son équité. Donc, la bonne dimension, c'est la biorégion, mais pour regarder aussi le territoire à partir d'une valeur qu'on n'utilise pas souvent et qui s'appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est grosso modo ce qui est nécessaire pour une communauté, pour vivre et pour recycler ses déchets. Je le dis rapidement comme ça, mais l'empreinte écologique de Paris est 313 fois plus lourde que sa biocapacité. La biocapacité, c'est sa capacité à produire ce qui est nécessaire pour qu'elle vive et pour recycler ses déchets. 313 fois. Paris ne sera jamais durable. Je connais pas pour quand, mais en tout cas, Paris ne sera jamais durable. L'Île-de-France, c'est 13 fois. Et on commence à comprendre que c'est dans la relation des métropoles à des territoires élargis que quelque part un équilibre pourrait se trouver, parce que il n'y a pas de durabilité s'il n'y a pas d'équilibre entre la biocapacité et l'empreinte écologique. Est-ce que je peux donner un exemple à ce stade sur Paris? En 1900, 80% de la production de produits frais était produite dans la première couronne parisienne pour nourrir Paris. Maintenant, quand un élu arrive en Essonne à faire fabriquer une baguette avec du blé essonien, tout le monde le sait sur les réseaux sociaux. Pour donner une idée de ce qu'on a perdu en plus, par rapport à ce que tu disais là. Oui, enfin voilà. Donc on est obligé d'élargir la question et peut-être d'arriver à un outil d'aménagement du territoire qui n'est pas tout à fait en place aujourd'hui, qui est la dette écologique des métropoles. Puisque finalement, si notre situation est si complexe, c'est parce que les métropoles sont nées d'une façon, on va dire, d'un méga vernaculaire, d'un laisser-aller assez important, même s'il y a une planification. Et en fait, la dette écologique des métropoles pourrait aider à rééquilibrer ou à amener une certaine équité sur les territoires. Donc ça veut dire de l'argent. Or, on n'en est pas là, quoi. On a beau nous dire les métropoles ruissellent, vous savez, c'est un vieux terme de l'économie, la richesse de la métropole ruisselle sur les territoires. Et peut-être que je ruisselle jusqu'à Verson quand je suis à Caen. Mais non. Et puis on nous dit mais certains impôts qui viennent de la densité des métropoles servent aussi sur les territoires. Mais non. Il y a la nécessité vraiment, pour faire vivre le territoire, dans des étendues et des échelles, de la bienveillance, de la convivialité, et qui sont portés en fait par tous ces territoires-là, qu'il y ait la reconnaissance de la dette des métropoles. Alors, on arrive à 19h15. Je pense qu'il va falloir qu'on se laisse un temps, un moment de questions avec la salle. Est-ce que juste avant, peut-être, on peut se dire chacun, là, concrètement, en tant que citoyen, parce que là on est dans la salle, on parle de biorégion, mais moi demain je rentre chez moi, je fais quoi en fait ? C'est par quel chantier commun on peut commencer tous collectivement ? Si on est dans le concret, est-ce que c'est les déchets ? Est-ce que c'est le vélo ? Est-ce que j'habite plus mon pavillon ? Est-ce que j'arrête de faire mes courses chez Carrefour ? Parce que finalement c'est très culpabilisant cette question, parce que là on est bien beau sur dans notre bâtiment qui est déjà obsolète, mais on fait quoi ? On fait quoi collectivement et donc la nature de l'engagement de chacun, est-ce qu'il faut tout changer ou est-ce qu'on peut faire des petites pierres et comment on y arrive ? Comment on y arrive ? Alors, Philippe. Oui, et puis tu nous parleras d'Illich quand même. Hein. Non, parce qu'il faut l'écouter parler d'Illich. Voilà, mais ouais. Tu peux parler du manifeste. Non, oui, mais je ferai ça tout à l'heure. Du coup, j'ai oublié, tu vois. Comment on fait ? Comment on fait ? C'est-à-dire quel engagement et comment est-ce que chaque personne là dans la salle, on peut s'engager ? Parce qu'on est tous à peu près convaincus que ça va pas, mais c'est difficile. Y a une très jolie phrase de Peter Sloterdijk, un philosophe allemand contemporain, dans un livre qu'il a écrit en 93. Et il explique que il dit « L'actual way of life et le long terme sont quelque chose qui s'exclut totalement l'un l'autre. » Donc il écrit ça en 93. Ce qu'il a vu en 93 est encore plus vrai aujourd'hui. Donc c'est pas compliqué, on n'attend pas demain. Quoi. On n'attend pas demain et on écoute Greta quand elle engueule tout le monde et qu'elle dit « Regardez bien les choses comme elles sont. C'est peut-être parce que je suis Asperger que je vois mieux que vous. Hein. » Ce qui est quand même absolument magnifique comme position. Mais voilà, on ne peut pas attendre. Et le « on », c'est un « on » collectif. Moi, j'ai des amis donc un peu de ma génération ou un peu plus jeunes qui commencent à en avoir marre de leurs enfants parce que leurs enfants leur disent « Mais tu continues à acheter des bouteilles en plastique. Mais tu as mal trié ça. Mais pourquoi est-ce que tu es allé acheter là ? Pourquoi tu ne vas pas chercher les produits directement non emballés ?» Donc, ce mouvement-là, il est à l'œuvre. Il est le fait d'un changement générationnel très fort. Et vraiment, nos générations n'ont qu'une seule chose à faire, c'est laisser la génération qui arrive prendre les manettes et faire son boulot. Parce qu'elle sait faire, elle a envie de faire. Pendant quelques années, on devait chaque fois expliquer pourquoi on agissait de la sorte, pourquoi on était différent, finalement. Quoi. Aujourd'hui, quand on leur explique ça, on les ennuie. Quoi. Ils ne veulent pas savoir pourquoi on fait différemment, ils veulent savoir comment on fait différemment. Et le comment on fait différemment, c'est de mille manières. Donc on regarde les jeunes. On regarde les jeunes. Thierry. Non, parce que je veux pas. Quelques vieux, mais quelques bien sélectionnés. Non. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Il faut préciser peut-être une chose que le public ne connaît pas, c'est que en design et en paysage, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de collectifs qui se créent dès la dernière année de leur cursus et qui, généralement, font un voyage de France, qui est un voyage initiatique. Et ensuite, ils travaillent ensemble dans une sorte d'esprit coopératif. Bon, et ça, c'est passionnant. Sauf qu'ils ont un handicap, c'est qu'ils sont jeunes. Ce qui fait que, du coup, ils n'ont pas de boulot. Et quand ils ont un boulot payé au tarif des jeunes. Donc, par exemple, la municipalité de Paris, parce que je connais bien Paris, va utiliser, je dis bien utiliser des jeunes qui sont plus jeunes, parce que depuis 10 ans, ils ne sont plus dans ces premiers collectifs-là, bon, mais au tarif de jeunes. Voilà, donc on va leur dire, vous allez refaire les grandes places de Paris avec un budget dérisoire, qui n'est pas à la hauteur d'une ville capitale, etc. etc. Donc, il faut faire attention aussi que tout d'un coup, là, on va les encourager, les admirer, tout ça, mais en même temps, on ne leur donnera pas les moyens de réaliser ce qu'ils portent en eux. Donc c'est un point excessivement important. Par où commencer ? Partout. C'est ça, c'est-à-dire que nous sommes dans une rupture épistémologique où on ne peut plus dire qu'il y a une hiérarchisation des thèmes. Ça, c'était l'ancien monde, quand on parlait en thèmes. Arrivait, par exemple, le travail, ensuite le logement, ensuite ceci. Non, c'est à tous les niveaux. C'est partout, en même temps. C'est ça qui est un peu vertigineux. Mais moi qui travaille beaucoup sur les pédagogies nouvelles qui sont centenaires, bon, comme chacun sait, je suis sidéré de voir que on en est encore dans ce système scolaire d'une autre époque que Ivan Illich a très bien dénoncé il y a très longtemps lorsqu'il appelait à déscolariser notre esprit. Bon, eh bien, dans les écoles, il n'y a pas de jardinage, il n'y a pas de cours de cuisine, il y a plein de toutes choses qui sont élémentaires, qui seraient les moyens de renouer avec le vernaculaire, c'est-à-dire avec ce qui n'est pas marchand. Parce que c'est ça, quand même, qui est derrière. Hein. C'est que tout est dorénavant marchandisé. Ce qui fait qu'on va même dénigrer les produits qu'on fabrique nous-mêmes. Moi-même, enfant, je me souviens, quand ma mère me dit « Regarde, je t'ai tricoté un beau pull. » Non, vous ne me moquez pas, vous ne l'avez pas vu. Il est très beau. Non, je disais « Oh, je rêvais d'avoir un pull de chez Gap. » Enfin, ça n'existait pas encore, mais c'est pour vous donner un exemple. « Que mon copain avait. » Bon. Et maintenant, non. Maintenant, dans mon essai sur le luxe, j'essaie d'expliquer en quoi le luxe peut être un atout environnemental. Parce qu'il y a une dimension du fait sur mesure, avec les meilleurs matériaux possibles, donc ceux qui vont être d'une très grande solidité, et puis fait en un exemplaire unique. Donc c'est ça le luxe. Mais ce n'est pas l'industrie du luxe, ça c'est encore autre chose, évidemment. Bon, c'est parce qu'à chaque fois, il faut revenir sur le sens des mots. Et moi, j'appelle à se luxer. À se luxer de la société de consommation, c'est-à-dire à se démettre de la société de consommation, pour entrer dans une société d'inconsommation. Alors, les réponses, elles sont très bien, enfin on en connaît plein, à tous les niveaux, plus de centres commerciaux. Or, aujourd'hui, en France, 29 centres commerciaux vont être ouverts en 2019. C'est une absurdité, à un moment donné où d'autres centres commerciaux sont en friche, dans certains États des États-Unis. Bon, autre exemple, le gratte-ciel, qui est énergivore. Non pas dans son fonctionnement avec la climatisation, avec ses élévateurs, avec ses escalators. Non, non. Il est énergivore, le gratte-ciel, par la fabrication de ses matériaux de construction. Donc c'est avant même qu'il soit inauguré, qu'il soit en état de fonctionner, et il est déjà beaucoup plus cher que tout ce qu'on sait faire avec d'autres matériaux, beaucoup moins coûteux, beaucoup plus respectueux des ressources, voilà, comme tu disais tout à l'heure. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous comptons aujourd'hui 1114 gratte-ciel au monde. Un gratte-ciel, c'est 200 mètres de haut, qui ont été réalisés cette année. C'est-à-dire qu'on en est à plus de 16 000 gratte-ciel à l'échelle planétaire, dont la moitié rien qu'en Chine. C'est du système d'entassement. En plus, il y a une limite de l'ascenseur. L'ascenseur, on sait le fabriquer jusqu'à 600 mètres de haut. Donc cette année, on va inaugurer deux gratte-ciel de 1000 mètres chacun de haut. 1000 mètres de haut, vous voyez, il faut que vous mesuriez le parcours que vous faites pour aller chercher le pain ou vous rendre à la station de tramway, ça fait 1 km. Vous dressez ça en haut. Et vous voyez que là, vous avez un truc qui s'appelle une impasse en hauteur. Avec ce truc complètement débile qui est le premier moyen de transport au monde, qui est l'ascenseur. Je dis débile parce qu'il ne fait que monter et descendre. Bon, moi, combien de fois, j'espère que vous êtes comme moi, on appuie sur le bouton et on rêve que l'ascenseur, hop, il franchit le plafond, il l'éclate et il s'en va dans le ciel comme ça. Et tout d'un coup, on regarde la ville, on dit « Ah, c'est ça, c'est moche. » Enfin, ou c'est bien. Et on redescend et on rectifie toute l'organisation territoriale. Non, l'ascenseur est une calamité. Mais je n'ai pas réussi, quand j'ai écrit mon bouquin « La folie des hauteurs », et je suis allé aux États-Unis rencontrer M. Otis, il est très gentil, et il ne m'a pas dit combien ça coûtait. Je lui demandais combien ça coûte l'ascenseur, un aller-retour en ascenseur. Il était incapable de me le dire. Donc après, dans Désastres urbains, je suggère qu'on privatise. C'est un truc que je vous indique. C'est dans le Monopoly, il faut acheter des gares. Bon, OK. Mais dans la vraie vie, il faut acheter des ascenseurs. Et vous les mettez à péage. Très cher dans les maisons de retraite. Et dans les hôpitaux. Et là, vous gagnez énormément d'argent. Donc c'est ça qu'il faut savoir. C'est l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui détruisent la planète et qui agissent comme des prédateurs, eux, ils ont plein d'initiatives. Tous les jours, il y a un truc nouveau pour mieux exploiter tout, tranquillement. Et nous, face à ça, on est avec une difficulté à réactiver des choses excessivement positives qu'on connaît. On sait très bien tout ce qu'il faut faire. Pardon, on sait très bien tout ce qu'il faut faire. En pédagogie, je vous l'indique, moi je connais parfaitement Montessori, Célestin Freinet, Guédès, Dewey, c'est extraordinaire. Pourquoi ça ne prend pas ? C'est ça la question. Pourquoi ça ne prend pas ? Alors là, des fois, là, il faut regarder cas par cas, mais on est dépité. Ivan Illich, quand il a dit que la plupart des professions étaient devenues des professions mutilantes, dans la santé, dans la formation, dans les services, c'était pas sympa pour les gens qui exercent ces métiers. Mais de fait, ils nous mutilent parce qu'ils confisquent un savoir dont nous sommes de plus en plus dépossédés. Vous voyez, quelle est la personne qui a inventé l'emploi du temps à l'école? Mais il est débile. Une heure d'histoire, hop, stop, on arrête. Alors qu'on commençait à apprendre le récit, on était tous contents. T'es pas arrivé, ça? Ensuite, une heure de philo. Moi, j'avais aucune heure dans mes cours. Alors évidemment, celui qui me suit, il n'est pas content. Il dit, ah, il occupe l'amphi, trois plombes. Mais oui, parce que c'est comme ça, ça peut durer 4 heures ou 5 heures. La pensée est pensante. La parole est parlante. On ne peut pas faire des cours comme ça de 50 minutes en 50 minutes. Ça n'a aucun sens. Donc il faut commencer à l'école déjà. Ensuite, il faut commencer à transformer toutes les villes en terrain d'aventure pour les enfants. Parce que l'enfant, il découvre la nature à son contact. Ce n'est pas parce qu'il a lu, parce que son père lui a dit « Regarde, c'est un oiseau, t'as vu, il fait ça, il vole. » Non, ce n'est pas ça. Il faut que l'enfant puisse vivre avec l'oiseau. Il faut qu'il puisse grimper aux arbres. Et les cours de récréation, vous avez vu les cours de récréation? Un rectangle, complètement débile. Un rectangle, donc ça devient un terrain de foot pour les grands. Les petits sont exclus, les filles sont exclues. Donc il nous faut éco-féminiser nos attitudes. Il y a du boulot. Alors il y a du boulot, mais je pense que ce qui serait bien, parce que alors là tu nous as fait un beau discours, là. Moi je me vois déjà dans la cour de récré, pas celle que j'avais, mais celle que tu imagines. On a des amis, à Philippe et à moi, qui s'appellent Patrick Bouchain, qui à Saint-Jacques-de-la-Lande, notez ça, regardez sur Internet, il a fait une école. Et la question au début, il répond à l'appel d'offres, donc il y a tout un règlement, c'est fastidieux, là, je t'admire, hein. Enfin, je t'admire tous les architectes qui lisent ces trucs-là, bon, en plus c'est en langue de bois, on n'y comprend rien. Bon. Et alors lui, il ne lit pas, il dit, moi, mon école, j'ai deux idées en tête. La première, j'ai lu dans la presse que 85% des petites filles ne vont jamais aux toilettes à l'école, d'où des maux de ventre, d'où de la constipation, etc., un mal-être physique. Et donc lui, il dit, ça, pour moi, c'est ça le premier point à résoudre. Vous imaginez la tête de l'inspecteur d'académie. Hein. Bon. Ensuite, il dit, deuxième exemple, la cour de récréation. Pas un rectangle, moi, je veux mettre des bosquets, des arbres partout, que les enfants puissent se cacher, se dissimuler, se raconter des secrets, se murmurer des histoires d'amour, etc. Alors, là, il faut voir la tête des parents. Bon. Et il a réussi. Il a réussi parce qu'il y avait un maire qui a pris position à Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de Rennes. Et donc, chaque classe est une maison individuelle. Dans cette maison individuelle, comme dans une maison, il y a des toilettes. Il y a une cuisine, il y a une salle qui devient la salle de cours, mais qui n'est pas forcément rectangulaire. Et chacune de ces maisons autonomes, parce que du coup, ils font leur cuisine et ils mangent ensemble. Les enfants mettent le couvert, débarrassent, des choses qui sont essentielles. Bon. Et on n'a plus cette cuisine centrale avec cette bouffe dégueulasse qu'on ne peut que balancer avec une cuillère, la purée, enfin bref, des trucs horribles. Non, non, on a là, tout d'un coup, une maison, sa maison, et puis qui est à côté d'une autre maison, qui est une autre classe, et puis des arbres, des bosquets. Et lui, il avait tout ouvert. Parce qu'il s'était dit, il faut que les habitants, qui sont les parents, les grands-parents, passent entre ces maisons comme dans un village. Alors ça, par contre, il a perdu. Les assurances sont obligées, une palissade, tout ça en bois. Tout ça en bois de récupération. Bon, il n'y en a pas eu deux. Très, très belle, cette école. Alors, je vais passer la parole à la salle pour que vous puissiez peut-être déjà nous donner vos réactions. Et puis, vous avez peut-être des questions pour nos deux invités, ce qui nous ont un peu chamboulé là. Et puis aussi peut-être parce que vous avez envie de nous dire qu'est-ce que vous entendez par chantier commun. Ça serait bien parce qu'en fait, je pense qu'on est chacun concerné. Donc si certains ont des idées de chantier commun, parce que Thierry, il est bien gentil, mais il nous dit de commencer partout. Si on doit commencer partout, on arrête la conférence tout de suite, puis on y va. Donc est-ce que certains veulent se lancer dans cette idée de chantier? Merci Pierre Lebrun, je porte un projet d'espace d'expérimentation en agriculture écologique et autant que possible dans un cadre urbain, c'est-à-dire amener l'agriculture dans la ville et de fil en aiguille, ça nous mène à la ville biodiversitaire de Philippe Clergeon, mais que j'ai pas vraiment approfondi. Je voulais demander votre avis, Thierry Paco, dont j'ai lu quelques articles. Monsieur, excusez-moi, je vous connais moins, mais la question s'adresse à vous deux. Que pensez-vous de la ville de demain? Est-ce qu'elle doit être impérativement, non, c'est pas le mot. Est-ce que nécessairement, il faut l'envisager comme biodiversitaire? Alors, premièrement, ça reste entre nous. Le concepteur de cette notion, Philippe Clergeau, malheureusement, participe à Europa City. C'est lui qui conçoit le toit d'Auchan qui sera destiné précisément à une biodiversité. Donc, du coup, ça m'attriste. Ça m'attriste un peu. Bon. Parce que moi, je suis farouchement contre ce truc. Hein. Donc, c'est parce que c'est la démesure. Alors, absolue. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'Europa City? Parce que c'est... Mais tout le monde en rêve. C'est un supermarché avec une piste de ski. Au milieu des terres agricoles. Oui. Vous vous rendez compte? Vous allez acheter 2 barils pour le prix d'un et vous avez 1 étoile de ski à la sortie en même temps. Non, c'est une absurdité. Non. Et avec la complicité de la droite et de la gauche de ces départements, puisqu'ils ont voté une navette payée par nous, par vous, une navette qui relie. On met des années avant d'avoir un arrêt de bus devant chez soi. Mais là, en un coup de baguette magique, ils ont voté une navette qui va de Roissy à Europa City, pour que tous les touristes en transit puissent venir acheter ce qu'ils achètent partout ailleurs, dans tous les duty-free. Donc on n'a pas trop d'intérêt. Alors pour ça, il faut que ce soit le plus grand supermarché d'Europe, avec une piste de ski. Je ne vous dis pas le coût énergétique, évidemment, parce que c'est maintenir à moins 2 degrés l'ensemble de la sphère, ce sera dans une sphère. Le plus gros aquarium d'Europe, un cirque, l'annexe de Beaubourg ou du Louvre, Auchan ne sait pas encore lequel des deux il va se payer, parce que Beaubourg et le Louvre sont à vendre, comme vous le savez, hein. Donc on peut les acheter, et avec une salle d'exposition pour justifier cette nouvelle modalité de commerce qu'ils appellent le fun shopping. Donc on ne va plus faire ses courses qu'on vit comme une corvée, généralement, bah, les gens normalement constitués. Et on va dire, au contraire, pour consommer du loisir. Voilà, c'est ça le truc. Alors, du coup, je reviens maintenant au vrai sujet qui n'est pas celui-là. Donc, voilà. Donc, votre question est je me la pose depuis très très longtemps. Et je suis très heureux de ce que Philippe a dit tout à l'heure, parce que c'est un combat qu'on est peu nombreux à mener. Il faut cesser cette opposition ville-campagne. Bon. D'abord parce que beaucoup d'habitants des campagnes sont des citadins dans leur tête. Dans des urbains, qui exigent du reste souvent à leur maire les mêmes services que le maire ne peut pas payer, parce que un trottoir, un éclairage la nuit, etc. Bon, tout ça est très compliqué. Par contre, pour ce que vous dites, c'est-à-dire comment introduire ou réintroduire la biodiversité dans la ville, évidemment, je suis tout à fait pour. C'est pour ça que je pense qu'il faut, dans chaque ville, et Philippe l'a très très bien fait dans à côté de Morlaix, là, et là, je vous conseille de regarder son livre, où les parcours de la voirie officielle sont souvent doublés d'un parcours végétal qui est en arrière des maisons, où on peut passer d'un lieu à un autre, comme ça, sans nécessairement le croiser de voiture, et toujours en contact d'arbres, de haies, etc. Bon, pourquoi? Parce que ce rapport à la nature, nous l'avons au fond de nous. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'écoféminisme, parce que je suis admiratif de ces femmes qui ont écrit des textes aussi beaux pour nous expliquer à quel point la science et la technique ont été masculinisées. C'est-à-dire qu'on a sorti les femmes de toute la pensée technique. C'est une aberration. Ensuite, on les a transformées en sorcières. Bon, etc. Donc, c'est des mouvements de pensée qui sont très, très bien étudiés par les historiens. Donc, il faut savoir que la ville, bien qu'artificielle, doit se nourrir de son rapport à la nature, et la nature, c'est la biodiversité. Or, et c'est pour ça que je suis un peu embêté, c'est qu'à l'échelle planétaire, le premier produit immobilier, c'est la gated community, c'est-à-dire c'est l'enclave résidentielle sécurisée. C'est ces lotissements complètement fermés. Qui sont partout en France et qui sont partout dans le monde, sauf au Japon et en Allemagne, pour des raisons que je pourrais expliquer, mais je n'ai pas le temps. Donc, ce qu'il faut mettre en avant, c'est effectivement dans n'importe quelle ville. Moi, je dessine en vert, c'est une couleur, peu importe, on va prendre celle-là, bon. Malheureusement, qui a donné le nom espace vert, qui a donné le nom paysagisme, qui ne sont pas très beaux, mais peu importe. Et je relis toutes ces taches vertes de n'importe quelle ville en ce que j'appelle une farandole de jardin et de parc. Et donc, pour ça, ça circule. Et là, on ne va plus à l'école, on va à l'école de la farandole. C'est-à-dire qu'on se promène là et on apprend, là. On apprend quoi ? On apprend l'oiseau, on apprend plus les insectes, il y en a de moins en moins, mais on apprend d'autres espèces. Et donc c'est ce contact-là, c'est-à-dire c'est cette expérience qui fait qu'on vit. On ne comprend bien que ce qu'on éprouve. Moi j'ai un souci avec la résilience. Je pense que la résilience, c'est une satisfaction à peu de coûts. À peu de prix, on s'attaque aux symptômes et pas du tout aux causes, et je pense qu'il ne faut pas du tout se satisfaire de la résilience. De la même manière, il ne faut pas se satisfaire de la biodiversité, et il ne faut pas penser que l'agriculture, mais ça c'est une vieille histoire française, est notre rapport à la nature. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la biodiversité, c'est notre relation à la nature. Nous sommes êtres de nature, totalement dénaturés, ou en tout cas avec une grosse ambition de dénaturation, mais nous appartenons au cycle de la nature. On peut, enfin c'est pas qu'on peut, parce que là vous avez dit que vous ne vouliez pas dire il faut tout à l'heure, mais moi je vais vous le dire, il faut. Quoi. Il faut retrouver absolument ces relations avec la nature que l'on a à la fois du côté du vivant, enfin si vous allez visiter Val-de-Reuil, j'espère que ce sera un jour d'inondation. Comment on accueille les conditions du réel, comment on accueille les pluies, l'eau, les animaux qui viennent avec les pluies et avec l'eau, et comment tout ça fabrique finalement une condition de vie heureuse, puisque quand l'eau s'est retirée, le paysage est magnifique. Et il y a l'agriculture. Il y a l'agriculture parce que nous avons besoin de faire la bonne récolte des fruits de la terre, ce que j'appelle la frugalité, mais on reviendra sur ça tout à l'heure. Alors, retrouver les conditions de nature, qu'est-ce que c'est ? Je vais terminer sur l'agriculture. Mais retrouver les conditions de nature, c'est arrêter la clim. Retrouver la ventilation naturelle. Faire en sorte qu'il y ait de la lumière naturelle partout. Vous savez, des choses de base pour faire de l'architecture, quoi. Moins de machines, plus de relations à la réalité de la terre qui est là, y compris du sol. Vous avez trop chaud, vous utilisez de la température du sol à moins 4 mètres sous nous, et elle est à 13 degrés. Ça vous fait du chaud et du froid. Voilà. Donc cette relation-là de nos artefacts, de nos architectures à la nature, c'est facile, quoi. C'est fastoche. Il faut avoir envie de le faire. Et on peut le partager avec beaucoup de gens. Ça, on va dire, c'est quand on n'est pas sur le vivant, mais enfin encore que l'air et la lumière et la chaleur naturelle, tout ça, c'est du vivant. Sur un vivant plus faune-flore, dont l'humanité, voilà, l'eau vient, tout vient. Et l'agriculture s'installe. Ça fait longtemps que dans mes projets, et y compris dans le projet que tu évoquais à Passé, en fait, près de Rennes, j'ai rendu inondables des sites pour pouvoir gérer une inondation plus loin. Et ce grand secteur inondable, qui est un bel espace autour duquel les gens viennent marcher, courir, c'est pas les employés municipaux qui l'entretiennent, ce sont les vaches. Et donc les vaches broutent sur une prairie qui s'inonde juste en face d'immeubles en R+5. Vous verrez, à Val-de-Reuil, il y a des jardins familiaux, il y a des espaces pour une coopérative qui n'est pas là en ce moment, et puis il y a des espaces de culture plutôt dans la logique des incroyables comestibles. On cultive dans l'espace public et les gens peuvent se servir. Et puis, dans un quartier plus proche d'Europa City, donc à Marne-la-Vallée, et tant qu'à faire à Montévrain, quoi, juste à côté de Disneyland, je m'occupe d'un écoquartier qui fait 150 hectares. Mais amener un écoquartier de 150 hectares dans une ville dont l'urbanisme est uniquement un urbanisme à l'américaine, c'est un vrai travail autour d'un mot qui est le mot qui finalement donne du sens à tout ce que l'on dit là sur la relation à la nature, c'est la question de la proximité. C'est dans cette relation-là qu'on règle les choses. Au cœur de cet écoquartier de 120, 250 hectares, on a dit dès le début, là, les 20 hectares du centre, on ne les vendra jamais pour y construire des logements. Parce que c'est un talweg qui fait le lien entre le plateau Briard et la Marne. Cet endroit-là, qui a une qualité de paysage, une qualité de nature, doit devenir un cœur agro-urbain. Et ben voilà, il y a 4-5 AMAP qui s'installent sur cet endroit-là. Voilà. Avec des terres qui se sont amendées, qui sont absolument comme il faut aujourd'hui. Cette relation-là, autour de la proximité entre nous et la nature, et y compris sa version agricole quand on fait une agriculture non industrielle, est au cœur de l'établissement humain de demain. Il n'y a pas d'autre solution. Ce qui fait que même dans l'aménagement du territoire, j'ai une vision plus utopique, mais puisque tu aimes l'utopie, partageons ça. Vous savez, à l'heure actuelle, tous les Parisiens viennent à Nantes. Il y a eu un article récemment dans Le Monde là, qui disait que Nantes, c'est le nouveau Montreuil. Ils viennent à Nantes et ils ne vont plus à Bordeaux parce que Bordeaux, on sait que ça va devenir Juppé trop parti. Chaud. Oui, mais parce que c'est à la fois trop cher et trop chaud. Et donc, si on imagine comment les territoires vont évoluer, allez, jusqu'à 2050, on dit ça comme ça, mais bon, il se passera un peu plus tôt. Et on le voit déjà questionné autour de vous, les gens qui se préparent une retraite cherchent des endroits où il n'y a pas eu de canicule. Donc des endroits où il n'y a pas eu de canicule, c'est le Cotentin, la Bretagne, enfin l'Ouest on va dire, le Massif central et les Pyrénées. Même les Pyrénées. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de Bordelais qui descendent dans les Pyrénées à l'heure actuelle. Bon. Et donc l'aménagement du territoire, comment il va se faire? Parce qu'il y a la relation à l'agriculture. Donc mon hypothèse... Bon, on ne va pas aller dans le haut Cotentin parce qu'il y a un aléa industriel majeur. Voilà. Donc, on va garder le bas Cotentin qui est quand même magnifique. Et puis, il y aura une métropole rurale, si je peux me permettre de faire ce jeu de mots-là, comme ça. Une métropole rurale qui va partir du bas Cotentin, Saint-Malo, Rennes, Nantes. Et pourquoi une métropole rurale? Parce que justement, les conditions d'agriculture qui vont bouger le moins vont se retrouver dans ces secteurs-là, et notamment liées à la Bretagne, au Grand Ouest. Donc voilà, la question du vivant va nous tenir de plus en plus. Alors c'est peut-être un des premiers chantiers communs, alors de retrouver de nous replacer dans la nature, dans notre relation à la nature à laquelle on appartient. Et dont on est membre à part entière. Donc peut-être que ça, c'est le premier chantier commun personnel qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a d'autres courageux dans la salle? Il y a un sujet qui est très très polémique et qui pour moi est peut-être le premier chantier commun qui pourrait peut-être arriver à déclencher et à peut-être résoudre les autres. C'est la place de la voiture et surtout nos déplacements. La ville, c'est aussi du déplacement. Et comment on va réussir à résoudre cette suppression? Je ne sais pas si c'est la suppression de la voiture ou autre chose, mais comment on va réfléchir ensemble à essayer de vivre notre communauté sans cette voiture qui, en fait, régit actuellement tout dans la ville? C'est la question la plus difficile. Non, parce que, comme l'a dit Philippe, tout a été construit depuis plus d'un siècle par la voiture et non pas simplement pour elle. Donc, du reste, moi, je l'appelle l'auto-immobile, puisque 95% de sa vie, elle est à l'arrêt. Donc, je crois que là, il faut, on peut pas supprimer la voiture du jour au lendemain. On peut vraisemblablement la faire moins consommatrice d'essence. Il paraît que dans des bureaux d'études des grandes firmes, il y a des moteurs à explosion qui consomment très peu d'essence. Donc là, il faut casser la complicité entre l'industrie pétrolière et puis l'industrie automobile. Bon, bref, donc des voitures moins consommatrices et des voitures qui sont à libre disposition, c'est-à-dire qui circulent comme ça, et on la laisse là où on ne l'utilise plus et quelqu'un d'autre la prend. Donc c'est des voitures qui n'ont plus du tout la même charge de standing, la même charge érotique, la même charge, enfin tout ce que Roland Barthes avait si bien décrit sur l'automobile. Aujourd'hui, je pense qu'il faut la banaliser et en faire quelque chose d'interchangeable et on n'en est plus propriétaire, on n'en est plus quelqu'un qui qui en dispose pour rien, en fait, d'une certaine façon. Et alors, évidemment, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de permettre aux piétons de circuler. Si vous faites un relevé, ce que beaucoup de mes étudiants ont fait à un moment donné, on faisait des relevés, on travaillait sur la marchabilité, on faisait des relevés dans Paris et en banlieue parisienne, et on s'est aperçu que les barrières, les potelets, enfin tout ce qui venait gêner le piéton était massif, et qu'on obligeait le piéton à des détours afin de permettre à la voiture d'être beaucoup plus fluide et plus rapide. Donc il faut inverser ça déjà dès maintenant, par exemple en limitant l'automobile à 30 à l'heure partout en ville, premièrement, ça c'est une décision radicale. Donc il n'y aura plus cette espèce de virilité débile, de passion, de vitesse, bam, bam, bam, bam, ah, je double, etc. Bon, tout ça, parce que tout ça, ça va ensemble, évidemment. Et puis, faire cohabiter automobile, cycliste, piéton, en redonnant au piéton sa véritable place. C'est-à-dire que du coup, on supprime les obstacles dans la rue, on supprime, comme dans très nombreuses villes de Hollande, toute la signalétique, plus de feu, plus de panneaux d'interdiction ou d'autorisation, plus rien. 25 ans après, ces villes totalisent le moins d'accidents de la route au monde. Donc c'est pour vous dire que ça existe. Donc c'est une possibilité. Et les enfants peuvent circuler tranquillement sans évidemment être accidentés. Donc cette réappropriation de la ville par le piéton, c'est pas facile, parce que j'ai fait dans un de mes bouquins l'histoire du piéton. Je sais pas si je peux raconter ça en une minute, je peux pas. Non. Alors peut-être qu'il faudrait quand même que... Là, il va falloir que tu reviennes, hein. On va peut-être donner la parole à Philippe. J'ai écrit il y a quelques années une théorie de la ville de la pantoufle, qui est en fait ce que j'appelle la leçon des bourgs. Les bourgs, vous ne pouvez y aller qu'avec une voiture. Quoi qu'il arrive, la relation au territoire, aujourd'hui, elle est un peu difficile. Enfin, on peut avoir des voitures gratuites en libre accès, comme à Langouette, mais on arrive dans un bourg en voiture. Quand on est dans le bourg, pourquoi prendre sa voiture pour aller de la pharmacie au bistrot ou... Donc il faut organiser finalement tout l'aménagement des bourgs de telle façon que ce soit plus facile de le faire à pied qu'en voiture. C'est ce qu'on a fait à Plourin-les-Morlaix pendant plus de 15 ans. Et donc ça a déclenché cette théorie de la ville de la pantoufle qui a été développée et installée sur Passé, où on a un réseau de cheminement piéton, cycle, chevaux qui est tellement serré et indépendant des cheminements de voitures que quand on est arrivé chez soi, pour aller voir les copains, c'est beaucoup mieux de le faire à pied. Et en fait, toute cette position-là renvoie à un enjeu qui est à nouveau un enjeu lié aux valeurs. Le territoire moderne, c'est le territoire du déplacement, c'est le territoire de la mobilité. Ce serait bien de s'interroger sur l'immobilité. En tout cas, arrêter d'accepter le déplacement contraint tous les matins, et de repenser le territoire sur ces bases-là. Il y a de très beaux exemples un peu partout dans le monde. Les Belges ont du mal à dire la qualité de ce qu'ils font. C'est une espèce de modestie profonde chez les Belges. Et regardez ce qu'on appelle la politique des contrats de quartier à Bruxelles, où ils font un travail de fond sur les quartiers qui en ont le plus besoin. Et comme les îlots sont extrêmement grands à Bruxelles, parfois les gens, pour aller voir leurs voisins de l'autre côté de l'îlot, prenaient leur voiture. Donc un des enjeux des contrats de quartier, c'est de faire passer le piéton au milieu des îlots. À Barcelone, il y a eu un travail qui a été fait aussi sur le quartier Cerdà, donc sur les manzanas, où aujourd'hui, vous avez sur chaque côté d'un carré, vous avez de la voiture. Et il suffirait d'avoir que sur deux côtés, c'est-à-dire que vous enlevez la croix automobile au milieu, ça marche encore, quoi. Et puis, si vous le faites pas sur quatre, mais sur neuf, ça marche encore, etc., etc. Donc, tout ça, c'est juste un travail à la fois de géométrie, d'usage et de temporalité. Tu as beaucoup parlé du temps et on partage cette idée-là. La temporalité est la bonne manière d'entrer dans la question de l'espace aujourd'hui pour réinterroger la question de l'espace. Et si on joue la chronotopie, c'est-à-dire la possibilité de travailler sur l'ensemble du cycle du temps, on sait qu'on réussit à élargir l'espace. Et élargir l'espace, c'est ce que demande la densité que nous vivons aujourd'hui. Proximité, toujours proximité. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Quand on arrive quelque part, on ne met jamais la voiture au centre. Et si vous allez visiter Val-de-Reuil, vous verrez les voitures sont juste au bord. On ne met jamais la voiture au milieu. On l'enlève si elle est là et on retrouve de l'espace ben, pour la convivialité, pour Illich. On a presque terminé, mais j'aimerais bien peut-être prendre une dernière question. Alors, Elisabeth. Bonsoir. Ben justement, peut-être sur cette convivialité qu'on a repoussé petit à petit tout le long de la conférence. Peut-être quelques mots pour nous donner envie, en tout cas peut-être de lire l'ouvrage que vous venez de sortir. Donc, Ivan Illich, c'est un... Vous connaissez ou pas du tout? Pas du tout. Donc, Ivan Illich, je vais aller très vite. Hein. Mais là, de toute façon, on va avoir un temps de parole pour chacun de vous. Et donc, c'est un homme absolument... J'ai eu la chance de le rencontrer, de le connaître très bien, qui est né en 1926 à Vienne, qui est mort à Brême en 2002, qui est un prêtre talentueux, à qui on le destine à les plus hautes fonctions au Vatican, qui préfère, bien que bardé de diplômes, parlant 14 langues, d'être simplement prêtre d'une paroisse portoricaine à New York. Et puis de là, il est en conflit avec l'institution ecclésiastique, il est contraint de s'en aller. Et il crée un centre d'études interculturelles à Cuernavaca, au Mexique, où viendront se former la majorité des syndicalistes, des paysans sans terre du Brésil, etc. Enfin bon, bref, de tous ceux qui misent sur les alternatives. Et il est l'auteur de ce qu'il a appelé les pamphlets, un certain nombre d'ouvrages qui critiquaient les institutions, l'école, la santé, les transports en commun, etc. Et il a théorisé une loi, la loi de la contre-productivité, qui est la suivante. Passé un certain seuil, l'institution se retourne contre ses principes premiers. C'est-à-dire que l'école désapprend, l'hôpital rend malade, les transports en commun ralentissent et créent des embouteillages. Bon. Donc, il a imaginé cette idée d'une société sans école. Le titre américain était « Déscolariser la société ». C'était plus fort. Et la suite de ça, ça a été « Désoutiller la société ». Et là, ça passait pas en français. Et comme un des mots qu'il essayait de valoriser dans cet essai était le terme anglais « conviviality », il en discutait avec son ami Lévinas, enfin bon, je rentre pas dans tous ces trucs, et ils ont décidé en français de l'appeler la convivialité. Alors le terme anglais de conviviality, qui apparaît au début du XIXe siècle, est emprunté à la langue anglaise en français par Brillat Savarin, en 1825, dans la physiologie du goût, où il distingue la commensalité de la convivialité. C'est-à-dire que tout d'un coup, le commensal, c'est celui avec qui je partage le repas. La convivialité, le convive, c'est celui avec lequel je ne fais pas que partager. C'est-à-dire que je conçois et je crée un environnement propice à une qualité d'échange, qui repose donc sur l'hospitalité. Alors c'est une notion excessivement importante, et dans la société conviviale, dans l'expression de la convivialité chez Illich, c'est tout ce qui renforce l'autonomie de chacun. Il donne comme exemple la bicyclette. La bicyclette, voilà un objet convivial. Parce que même si je ne suis pas très manuel, il y a une crevaison, bah, je peux la réparer. Je peux remettre les freins en état, enfin, je peux régler la selle, je peux régler le guidon. Et donc, la bicyclette, j'ai pas besoin de passer par un spécialiste de la bicyclette. Par contre, une centrale nucléaire tombe en panne, on peut pas la réparer. Même pas une armada d'ingénieurs du nucléaire. N'oublions pas que Fukushima et Tchernobyl continuent à dégager leur saloperie. Bon. Donc, on ne sait pas. Donc là, c'est un outil qui n'est pas convivial. Voilà, pour prendre les deux exemples extrêmes. Bon. Donc la convivialité, c'est ce rapport aux choses et au monde et aux autres qui passe par le partage de l'autonomie. C'est-à-dire, le partage de l'autonomie, je donne son contraire, qui est la dépendance ou la subordination. Donc c'est émancipateur, c'est ça le maître mot. C'est que chacun d'entre nous, dans sa différence avec autrui, doit pouvoir trouver... La qualité de magnifier et de découvrir et de cultiver son autonomie. Les parents, les enfants, ceux d'ici, ceux d'ailleurs, etc. Donc ce n'est pas acquis. C'est toujours un combat ordinaire, j'allais dire. Philippe parle de la chronotopie, c'est une notion que j'ai théorisée en 1999, donc c'était très simple, je ne comprenais pas pourquoi on aménageait les places publiques toutes pareilles en France, à ce moment-là. Et donc, je disais, il faut associer chronos et topos, et dire, il faut d'abord enquêter, observer les usages temporalisés d'un lieu, pour ensuite trouver le revêtement du sol, le type de végétation, le type d'éclairage, etc., qu'on allait choisir. Bon, ça me semble tout bête, parce que j'avais compris qu'une ville ou qu'une place, le lundi n'était pas la même que le mercredi, et que la place à minuit n'était pas la même que celle de 4 heures de l'après-midi, que dans chaque lieu se dissimulent d'autres lieux. Et mon amitié avec eux, c'est de les apprécier, de les comprendre, et donc de les soigner. Et pour ça, évidemment, je ne pouvais pas faire un aménagement systématique, standardisé, mais un ménagement. Vous voyez, c'est toujours pareil, il faut revenir au sens des mots. Et donc, moi, je rêverais qu'un élu, sur son programme, dise « Voilà, je suis pour la douceur, je suis pour des rues pacifiques, je suis… » Voilà. Et bien ça, non. Non, non, on nous dira, au contraire, fluidité, efficacité, mobilité. Alors, au niveau concret et personnel, ça veut dire cesser de prendre l'avion, par exemple. Moi, je vois à la fac, mais il n'y a pas un collègue, même ceux qui n'ont rien à dire, qui ne va pas colloquer à l'autre bout du monde. Je vous jure, je ne vous donnerai pas de nom. Je lui dis, il rentre de Chine, je lui dis, c'était bien la Chine. Oh oui, c'était super, j'ai rencontré un tel. Notre collègue. Ah ben... Tu me l'aurais dit, je t'aurais donné le lieu où il habite. C'est à deux pas d'ici. Non, non, ils ont dîné ensemble. En français, évidemment, à Shanghai. Non, non, bah, on arrête. Oui, oui, il faut que tu arrêtes parce que je voudrais quand même, pour conclure, passer quand même 3 minutes la parole, ce qui n'est pas beaucoup, on va dire 4. La parole à Philippe Madec pour finir parce que je pense que le manifeste de la frugalité heureuse que tu vas nous présenter rapidement porte en lui les germes de plusieurs chantiers communs potentiels. Et donc, ça peut être une belle manière de clore cette conférence. Je te remercie. En fait, avec Dominique Gozamuller et Alain Bornarel, on a lancé il y a maintenant plus d'un an un manifeste pour la frugalité heureuse, qu'on appelle maintenant frugalité heureuse et créative. Parce qu'après 2 siècles de gabegie, pour être frugal, il faut vraiment être très créatif. Et donc il y a quelque chose de positif dans cette idée de créativité, mais il y a aussi quelque chose de très positif dans la notion même de frugalité, puisque frugalité, pour reprendre un peu d'étymologie, frugalité vient de frux fructis, qui en latin veut dire le fruit, et ce qui est frugal, c'est la bonne récolte des fruits de la terre. Et la frugalité, c'est la bonne récolte des fruits de la terre, et c'est ce que nous souhaitons. C'est ce vers quoi nous voulons aller pour arrêter de consommer trop les ressources. Je suis membre du Club de Rome, enfin pas un des fondateurs, mais aujourd'hui membre du chapitre Europe, et le Club de Rome a, dans les années 90, eu un rapport qui s'appelait Facteur 4 et qui disait 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources. Ce sujet-là, c'est le chantier commun à la Terre entière, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas y arriver si on ne fait pas ça. Plus de qualité de vie avec 2 fois moins de ressources. Plus de qualité de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Plein de choses qui ont été évoquées ici aujourd'hui. Retrouver des conditions de nature, retrouver des conditions de proximité, retrouver de la diversité, de la spécificité, de l'altérité, enfin tous les mots qui ont été évoqués ici. Et pour y arriver, comme l'objectif c'est de trouver les ressources locales, de faire avec ce qui est là, à portée de main, faire avec les gens, pour les gens, parce que la richesse locale, on sait que c'est la matière, mais c'est aussi les individus. Enfin, c'est, chaque fois, il y a un individu qui sait utiliser la ressource locale. Enfin, bref, notre histoire est simple et magnifiquement belle et extrêmement diverse. Et pour arriver à ça, pour arriver à cette richesse-là, eh bien, la frugalité heureuse et créative, c'est le modus operandi. C'est pas une valeur à venir, c'est une façon de faire. Et aujourd'hui, quasiment 6000 signataires. Et ça continue, ça vient de 54 pays, on se réunit dans un mois et demi, pour la première fois, on se retrouve tous, enfin, ceux qui pourront être accueillis à Losangoël. Alors c'est vrai que c'est un manifeste que moi je vous invite à lire attentivement parce qu'il est très facile à s'approprier, vraiment pour, je pense, n'importe quel citoyen. Et il est facile à signer surtout parce qu'il y a juste à appuyer sur clic. Et je pense que ça c'est vraiment important. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous. C'est vrai que plus de qualité de vie pour moins utiliser de ressources, c'est aussi un peu un leitmotiv qu'on peut avoir là pendant ce mois pour l'architecture, parce que territoire pionnier, donc deux mots qui viennent de la botanique, quand même, l'un et l'autre. Donc, bien choisi. Bravo à l'association. Le programme, je pense, va donner des idées à chacun pour justement poursuivre un peu notre quête de qu'est-ce qu'on va avoir comme chantier commun. Et donc, je rappelle quand même l'ouvrage de Thierry qui s'appelle Ivan Illich pour une ASS volontaire et conviviale aux éditions Le Passager Clandestin. C'est tout petit, mais c'est blindé d'infos. Moi, ça m'a donné envie d'acheter tous les ouvrages d'Ivan Illich. C'est facile à lire, je vous le conseille vraiment. Et puis, la visite de Val-de-Reuil. Parce que dans le chantier commun, il y a la visite de l'écoquartier et puis bientôt le livre sur la manifeste de la frugalité heureuse, je crois. Voilà, merci beaucoup à tous et merci Christine, Philippe et Thierry pour cette conversation.